À 6h49, évidemment, Magic Elvis, Elvis Presley, la série de Philippe Robin, et ce matin, l'influence de Presley sur tant de chanteurs et chanteuses dans le monde. On imagine difficilement à quel point Elvis Presley a influencé plusieurs générations de chanteurs dans le monde entier. Des gens comme John Lennon, Bruce Springsteen, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell ou encore Dick Rivers ont bien sûr chanté haut et fort leur amour pour le King. Mais d'autres aussi. Saviez-vous par exemple que Diane Tell sait tout de lui ? Si tu savais, Elvis, tout ce que t'es beau, je sais plus quoi, tout ce que t'étais. C'est comme ça que j'ai découvert Elvis, moi, un peu par Diane Dufresne, que j'adorais quand j'étais débutante en musique. Et elle chantait Elvis et son amour pour lui, et pour nous, c'était Elvis au Ed Sullivan Show, quoi. C'était le gros truc américain. Dès que je peux, je m'instruis sur lui. Et Diane Tell fait partie des rares personnes qui pensent qu'il peut y avoir un autre cas comme Elvis dans le monde. Je pense pas que l'entourage de Marilyn Monroe, par exemple, en fasse autant autour de sa maison à visiter, etc., parce que c'était une maison qui ressemblait à rien, je pense, lorsqu'elle est morte. Mais par contre, le filon Marilyn Monroe, financièrement parlant, continue d'être très bien entretenu. Johnny, c'est pas pareil un peu, Johnny ? Johnny, les fans de Johnny qui remplissent encore des... au-delà du stade, là, c'est pareil, je veux dire, Johnny, quand il va mourir, il va avoir la maison de Johnny à visiter pendant 30 ans. Celle en Suisse, en tous les cas, sera à visiter pour sûr. Ahmed Mouissi, chanteur du groupe Powo et interprète de Ramsès dans les 10 commandements, lui aussi, c'est tout d'Elvis. Oui. Heartbreak Hotel, c'est son premier disque d'or. Il arrive de Sun Records, il est à Memphis, et là il arrive, c'est Elvis arrive à New York, donc tous les États-Unis le voient, et voilà. Et puis John Lennon s'est mis à faire de la musique quand il a entendu ça, puis c'est sa voix qui est élastique dans les aigus et qui descend, il murmure à l'oreille So Long les Baby. Il y a le solo de guitare, il y a l'ambiance, le solo de piano à la fin du solo de guitare, et cette voix, quoi. Et puis l'histoire de l'hôtel des cœurs brisés qui est quand même magnifique. Et certains ont fait tout leur possible pour s'approcher de l'univers d'Elvis, quitte à lui emprunter quelques recettes musicales. Biche, ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis. Biche ma biche est une chanson originale donnée par Mort Schumann à Frank Alamo en 1964. Corbino, qui était mon attaché de presse, me dit un jour, comme t'es un fan d'Elvis Presley, je peux te faire rencontrer un type qui écrit des chansons pour Elvis Presley. Ah, merci mon Dieu, il suffit simplement de lui envoyer le billet d'avion et il vient. Je vois arriver un grand escroc griffe avec des gros cheveux bien bouclés et tout, qui s'appelait Mortimer Schumann. Et il me dit, j'ai des chansons pour toi, et je voudrais que tu écoutes ça, ça, ça. Je lui prends une chanson. Ça fait... Mais il me dit, je dois te dire que je sais qu'il y a un groupe anglais qui va la sortir dans les 2 mois qui viennent, mais si tu te dépêches, tu seras le premier. Et la liste de tous ceux qui ont un jour ou l'autre emprunté quelque chose à Elvis est interminable. Dans le monde du spectacle, il restera un modèle encore longtemps. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Well, my hand is shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me. me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano and it's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. I'm all shook up. All shook up. Un classique pour l'éternité, Elvis Presley. Et l'éternité, c'est long.